Alors, les moules frites, c'est facile. Pour 4 personnes, achète 3 kilos de moules, 3 oignons et un verre de vin blanc. Achète aussi 2 gousses d'ail. Pour préparer, tu mets les moules dans une grande casserole et tu coupes les oignons. Ajoute les oignons coupés. Tu fais cuire, puis tu ajoutes un verre de vin blanc. Tu laisses cuire encore 10 minutes, puis tu sers chaud avec des frites. Ok, merci beaucoup.